lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Henri, on se retrouve pour l'émission Inter Brezonek. Quentel Pemkan Nantek. Pemkan Nantek 519. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'un verbe, d'une racine d'abord et d'un verbe ensuite, qui est mirut. Mirut ou miret, hein, qui veut dire garder. Garder, réserver, conserver. Voilà. Alors, mir, au départ, mir, hein, c'est un mot masculin, donc, qui veut dire la garde, hein, mais qui est pas employé seul, pratiquement, hein. On le trouve quand même dans beaucoup de composés, comme bouée de mire, par exemple, hein. C'est une conserve, bouée de mire, hein. Ah oui, pas mal. Voilà, fruits de mire, des fruits de garde, bouestio mire, hein, des boîtes de conserve. Mirdi aussi. J'y pensais, le musée. Le musée. Hein, la maison de la garde. La maison de la garde, voilà. Alors, c'est un mot qu'on trouve aussi en gallois et en cornique. En gallois et en cornique, ça a un sens un peu différent, c'est le sens de regard. Ce qui n'est pas étonnant, puisque tous ces mots-là viennent du latin mirare, qui a donné le français mire, qui n'a pas tellement utilisé, hein, mirer les œufs, par exemple, hein, mais qui a donné admirer aussi. Hein. Et la ligne de mire. Voilà, la ligne de mire. Hein. Voilà. Attention. Ah oui, oui. Le miroir aussi. Hein. Voilà. Alors, ce verbe mirut veut dire garder, conserver, préserver. Voilà. Les sens principaux. Donc, le participe passé, c'est mird. Hein. Et à l'impératif, c'est mird aussi. Hein. Mirezé évident, hein. Garde ça pour toi, ou pour vous plutôt, puisqu'on se vouvoie ici dans le pays. J'ai entendu souvent ça sur le lavoir entre les femmes qui lavaient le linge, la mirezé évident. Hein, évident. Oh, ça c'est pas gentil, Henri. Mais si, j'ai entendu ça quand j'étais gamin. Ouais, mais il dit ça en rigolant. Parce que c'était presque. Dis à tout le monde de dire à personne. Voilà. Mirezé évident, hein, la récusé de réel. Hein. Mais alors que dès l'instant suivant, c'était la nouvelle était propagée, bien sûr. La ricanement de bête. Oui, mirez évident. Ouais. On trouve ça beaucoup dans les cantiques aussi, mirudorfe christen, garder la foi chrétienne. On trouve ça, par exemple, dans le cantique de Diot, hein, dans le cantique de Bulat aussi, hein, mirudorfe christen. Il y avait une association qui s'appelait Mirelsandanton, hein, qui était l'association qui a voulu restaurer le village de Saint-Antoine à Lanrivain et qui avait un projet intéressant pour la mise en valeur de ce village déserté et donc qui a duré pas mal d'années. Hein, voilà, Mirelsandanton, hein, garder Saint-Antoine, conserver Saint-Antoine. Voilà, donc beaucoup de mots qui sont dérivés de ça. Mirer, ou mirur, hein, le gardien, le conservateur, par exemple, dans un musée. Hein, voilà. Alors, le pluriel, c'est mirurien, hein, et donc avec l'article, ça donne leur virurien, puisque c'est un pluriel de nom de personne qui se termine pas en ou. J'allais le dire. Voilà. Voilà. Un ael mirer aussi, l'ange gardien. L'ange gardien, c'est joli, ça. Mmh. Alors, mirva, c'est une réserve, hein, une réserve de, par exemple, naturelle, par exemple, hein, mirva, voilà. Un emploi du verbe, mirudorglad, hein, garder le patrimoine, hein, conserver, mirudoriez, hein, conserver la langue, voilà. Il y a un sens un petit peu différent. Mirudorzul, c'est pas conserver le dimanche, c'est chômer le dimanche, quoi. C'est le conserver d'une certaine façon, le conserver comme jour sans travail, voilà. Et ah, c'est important. Oui. Il y en a qui feraient bien le dimanche tous les jours, mais bon. Mirudorguel, c'est observer une fête, hein, c'est pareil. Mirudelesen, respecter la loi. Non que vide mirut, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, wie een mier uit d'Oberzee. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de faire. On dit aussi non que wie Hars. Hein. Doe do miro, que Dieu vous garde, comme en français. Hein. Doe do miro. Alors, le verbe peut être réfléchi aussi. Hein. Unim virud, hein, se conserver. Voilà. Et puis, un autre usage aussi de mire, mire donnant, dîne, hein, garde-moi, hein, par exemple, quand on parle d'une portée de chiot ou de chat, hein, mire donnant, dîne. Voilà. Et puis, il y a aussi des fois l'idée de je lui garde un chien de ma chienne, quoi. C'est dans un sens un peu rancunier, disons. Bon. Voilà. Mais soyons optimistes et terminons sur mire donnant, dîne. Garde-moi. Hein. Bon, on termine là-dessus, Henri. Voilà. On passe à la seconde partie, Brésan Nectan Batam. On passe à Brézanec. Tant m'attend. On continue, Henri, de parler des mots gaulois. Des mots gaulois, voilà. Alors, Magalos. Magalos, qui est un prince, un seigneur. Hein, et en breton, on a l'équivalent, c'est Mel. M-A-E, Tréma-L, qui est l'équivalent de Magalos en gaulois. Quoi, qu'on trouve dans Mel Pessivien, Mel Carré, qui était le prince, Quatmel, Botmel. Qui était le prince, hein, et dont il y avait un prince du 5-6e siècle qui s'appelait Melkat, hein, qui a donné Trémelkat, Trémargat, et Plumogat aussi. Hein, voilà. Donc, Magalos. Magos, alors Magos, hein, c'est un mot gaulois qui est très répandu dans les noms de lieux, qui veut dire le marché. Hein, donc, là, il y a beaucoup de noms gaulois qui ont été conservés, et avec le mot magos, marché, qui correspond au breton mes, mes, qui est un espace ouvert aussi, hein, comme ça, war ar mes, hein, à la campagne, quoi. Voilà. Mapos, qui veut dire un jeune homme. Et par exemple, il y avait le dieu Maponos, qui est le dieu de la jeunesse chez les Gaulois, et qu'on trouve en breton, en gallois et en cornique sous la forme map. Le fils, hein, et en écossais, en gaélique d'Écosse, Mac, hein, Mac Arthur, Mac Adam, à Calzare, Elroise. Voilà. Marcos, Marcos, c'est un des noms du cheval. Bon, il y a tout un vocabulaire autour du cheval, hein, qui, le mot gaulois a donné le français maréchal, celui qui s'occupe des chevaux. Et en breton, c'est mar, hein, qui veut dire un étalon, un mâle. Hein. Voilà. Maros, maros qui veut dire grand. Hein. Par exemple, maros yalo, maros yalo, grande clairière, qui est maroal, qui a donné maroal. Hein. Ça sent bon le maroal. Bon, voilà. Et donc maros, hein, c'est une racine indo-européenne qu'on trouve en breton aussi. C'est meur. Hein. Latin Magnus et sanskrit Ma, comme le Maharaja, hein, le grand roi. Voilà. Bon, Marvo, c'est facile à traduire pour un breton, un mort, hein, et qui en breton donne Marve. Donc c'est là que vient le V final, hein, qu'on remplace des fois par un O, hein, on dit Maro. Hein. Voilà. On dit Maro Metcart, même, parce que j'entends l'horloge sonner. Presque voilà. Mort. Mat, c'est comme en breton, hein, mort et maté, un bon favorable. Hein. Voilà. Ici, ça sonne tout le temps. Matir ou mater, c'est la mer, hein, racine indo-européenne qu'on trouve très répandue. Hein. Voilà. Mesco, M-E-S-C-O, qui veut dire ivre, hein, et qui correspond au breton mais, hein, mais, médal. Molto, qui veut dire mouton, qui a donné le français mouton, qui vient du celtique et non pas du latin, et en breton, mout, le bélier, voilà. Moré, la mer, hein, qu'on trouve dans le mot armorique, hein, Arémorica, le pays qui est devant la mer, et en breton, mor, hein. Voilà. Nantes, N-A-N-T, la vallée, c'est le même mot qu'en breton, hein. Nazca, qui est une corde pour attacher les animaux, qui est parallèle au breton nasque, hein, et qu'on trouve en gallo aussi, la nache. Une nache, hein, pour attacher les animaux. Nau, N-A-U, hein, qui veut dire neuf. Donc ça, c'est une racine indo-européenne qu'on trouve dans toutes les langues indo-européennes. Et c'est no en breton. Et curieusement, dans toutes ces langues-là, il y a une correspondance entre ce qui est nouveau et le neuf, quoi. Parce qu'on pense que les peuples de l'âge du fer, par exemple, hein, comptaient sur les doigts des mains, excepté le pouce. Donc il y avait une première série jusqu'à 8, et le 9, c'était la nouvelle série, quoi. Ah ouais. Ouais. Voilà, il y a des hypothèses là-dessus, quoi. Nerto, qui est la force, hein, la vigueur, qui correspond au breton ners. Hein. Nitio, N-I-T-I-O, qui veut dire un neveu. Alors, il y a aussi un féminin, Nitia, la nièce, hein, qui correspond au breton ni avec un ni. D'ailleurs, il y a le nom de famille, hein, le ni, avec un Z, hein, qu'on n'entend pas. Par contre, qu'on entend dans Nises, hein, la nièce. Et pour terminer, on va dire une racine qui est très répandue aussi, Novio. Novio qui veut dire nouveau. Hein. Alors là, il y a énormément de noms de lieux, hein, qui s'appellent Novio. Hein. Novio Yalo, hein, la nouvelle clairière. Novio Magos, le nouveau marché. Novio Ritu, hein, qui a donné le nouveau gué, qui a donné le nom de la ville de Niort, hein, dans les Deux-Sèvres. Voilà, et c'est névé en breton. On en reste là, oui. On va s'arrêter là. La prochaine fois, on passera au mot commençant par « o ». Eri, petras o neve ar vro. Ben, kalz a draou zo neve ar vro, just, evel just, ber vez di ouzan. Krog om de diantan, vel kiz a kustum, gant a labour douar hag ar vue war ar mez. Eru om ba miz heere, tramen ran amzer, hein. E chue e nan, a bremañ ma ur houls de hard ar guniz han, guniz gwan pel ar inmat, a de zer e un trevadou evit kaout bouet vid de lonet, pa d'ar gwan. A grand meud reistol e ar maïs hag ur betraves. A bretor e maïs e blaman de spemzekte hag prestit vo zer tout bavro. Setu vo kavet bouet evit de lonet, pa d'ar gwan, hag zezo ur chans du devro ke peve gwelet pe gen trist e entrou gant ur zero ar l'air ouzo, brovrans hendel. A grand me bon deus meus klevet oak ar reval ur maïs me meus tra e blaman. Pe dur neus bet dour pe... pe vanke. Neus ket pell zo, oa pe komz deus labour douar, oa bet digor oa un ton de bras, sta lez sinutra ba karez. Ar oa kalz ve dud, pe no bras, evel just vid igor adur sinutra ba karez. Hag enan vo gret, ba stalz vo gret bleu de lez, evid mag an bugal e vien brochina. Hag Dre porz mor brest vo kaset ur bleut de l'es de Vrochina. Evitud zo se son dravat, putur bon vo krou et posto labour, evitud de se vro, hag vo digor ed ar mar a neve evit l'es ur vro. Evitud el, ne ket don dra tient vats, putur ne ket mat bout din dan gal ou de Vrochina, petud Vrochina vit l'es hag prise vo gret gant gant un dud brochina, n'eo ket gant un dud evro. Bon, de bepini d'origion, jo ar un dach en ze, gwelet vo, red vo gantaz a gwelet vo. Evit chom an tam war dach en de lez. Klaskera bo Europa, ne beuta de lez produet vid laka de prise de Greskin. A setu vo zikoure de re, re neptor lez, et vite peblit ad neptor, graine neptor, ils ont drafent usoir, vite lit ad de lait à nouveau que produit, vos ro et perze que centime, centime euro, hein, pèlerin de mode, gandbro europa, à dix que centime gandbro vrance, pis rey per centime warnugen, et vite ur lit ad neptor. Das queer, zirei quasi war mames prise, vite lit ad anneau que produit, vite lit ad anneau produit. Un zézo, dra, iskiz de comprenant tam, mais dis vos comptes. Hag, wardro trizeg mil zaver zout, ne zine vise, ba, Provence, a wardro hanter kant mil, vid Europa e bez. Ma, red vos gott a zon tam de vel lagen, vo efe du zon draze, vid kreski prise lez. Kom se ve kalz ar mareman, a muor mui, deus labourdou ar bio. Vid ur wer mis tient an ur bla dauvil, rouezek, blaman, marad en dandvezio produit herve lezen ou labour dou ar bio, en deus kresk deus ugen dregan, pe sou o bern. Tos de wer dregan deus un dou ar brovrans, zo labour ad vraiment, herve lezen ou un dou ar bio. Am ave kresk dis pa de tribla roise, votos de dig dregant de zun douar a vo gred ur bio e brovrans. Hag zou ez uzoar e gwell pe sa mod dre en avel. Pe oan oaz ur bugel ze zo pel zo boe tri ugen blasso me jongeman me steze eur e oa sans de vous de pen ou bras visionnaire ad velvel ar din galag, hein, les visionnaires. Rins l'ar e vijebe de mag d'un dud gant pilul nou, gant ki gret gant i oulmeñ, l'ar de vijebe se biftek de petrol, hag benefin un trou n'en kedet tambe oan tuse, me rontrole, un dud de glas mu or mui, deb un trou toster de ze natur, gant neptor d'an vezio chimik bars. Hag zezo juste rontrol de ze pez de jongeet, visionnaire. A gansé, mais, je roi vit de visionnaire, zo hu d'une dé, et on tombe ma meuse mode, pis velar, tim vos, ton, automne, n'est que sur ton œil. Bon, dans mon temps, Wardash et leur politique, c'est vraiment. Tostaram, tant ma tombe de ce votade, guévit de l'acadondine, ou arcade orveur, brovrance. C'est tu, mon, politique courrien, au fir vicals, bantuguel à banturu, et vite good pile au hello, mon, ou arcade dormant. Ag, bon, de gentan vos grèdes, votadeg ou, vite dibab, ré au arrenc, hein, primaire, velarzé, à ou à l'air vos gouel, pesambo de vos con. Heureusement, en de compte, on tombe de ce pesvelard, d'oir histor brovrance. Cal ce gèche blé, zo, ou arzé, brovrance, plus dur, pévé, votadé, ou dit, mais comme ce cal de histor brovrance. Bah, brovrance, vestume, tu, t'es vide, oberkentelio, histor. Réellement, rastu dit histor, bas colveur, bas colioveur, evro, das coeur, bah, Brest, pe, bah, alors, Roison, pe, bah, Nanglet. À Waller, et retetram, en Honcourt, rapes, pe, n'agrégation. Sais-tu, Gélénérien, ce jour, en parloir, en histoire. Histoire, Pobloueur B, d'histoire, Bro-Europa, d'histoire, Bro-France. Mais, pe, vec, pleve, calze, de zoopolitique, courrien, zo, bah, France, au comble, de ce qu'il est là, durant histoire, et zo, es, usoir, pe, vec, leve, et vide, éviter politico yenses aux jacobines toutes gelener yen histoire de l'effet conto de Fugale roman national de l'Aradé hors sort de Gontaden bizarre de Pelzo déjà quand tu vel Ernest Lavis hors Gontaden et vidor disqui pesamone et bien sens de une histoire Hervé et Jacobinet à Doberzé de la de Gonto une histoire Hervé Jacobine n'est qu'à red quand tu d'en parloir une histoire. À même Zlarfen, évidemment, avait fait Bégueller quand qu'elle est née, il y en a une warfen qui calse le droit ou ardache une histoire. Mais de dix-sement qu'on. Et vision, on t'en mouardache une zévénature. L'ennemeuse, Zunel, bah, ouest éclair. Ou à Nitra ou député, Brogwengam, au vent de Guinigun, un temps de Vélezen, et vide de Gwela de Stade, Yez ou Gwaskat, vé leur brison, à Zézo, Zouez, Usoir, plus dur, ne ce que Gwalbezo, à Bekinig, de Lezen, Gand, Paul Molak, à Noak, à Eden, Nebet, au vote en, Lezen, à Bromen, vos Had, Had Kinig, de Lezen, hein, et vite Zé. Babla, Mino, Randonan, à Hunterkan, ou avait vote de Lezen Dixon, a dit ce quand Lezen Dixon allait vistrisco, l'oberonneur braison de Gesune, Bascolio, hein. Ag, gueuleret de Hudun des rois, zocals scolio bavron avec grès d'honneur zune braison de, namame zozune honneur blanc, puis au landro velmogne. À Bromen, vos grès de vos cliniques dans les lesen, mais de ne ce que chance bi de drames, plus dur, bon, on baille, bah, marrière, votadeg, ou un que de politico, il y a une manque change à le baser, tine. Ag, m'avait, moyen de VFB d'or, histoire, dans les lesen, ou zo bé, clinique de bois, bois, lesen d'exon, au nom de bla, puis wardro, ag, ne ce que bé de drames, hein, bé de bêta vraiment, hein. À Zulgué, je, avait même ce mot, avait même ce tabuto, même ce gavior velard. Bon, avait je m'en rois, vos comptes même ce mot. Bon, c'est-tu un temps de spessonné, vé bavro? C'est-tu, l'art en d'art, kénavo, chilové en d'arcabé, à kénavo d'art morgane? Kéno, Eri. Tiens, Norvégel.